Chapitre 16e. Les deux rivales. Lady Ongar resta longtemps assise seule au milieu de la nuit après le départ de Harry Clavering. Elle se leva deux ou trois fois, essaya de se mettre à son pupitre pour écrire, regarda l'un après l'autre divers journaux, puis reporta les yeux sur un petit tableau qu'elle possédait et passa ainsi de longues heures abîmées dans ses rêveries tristes et solitaires. Qu'allait-elle devenir? Que ferait-elle de son titre et de sa fortune? Ferait-elle encore quelque effort pour se rattacher à la terre, ou bien se déciderait-elle à tout quitter et à dire au monde et à la vie un éternel adieu? À 26 ans, avec sa beauté, sa jeunesse et la fortune, devait-elle désespérer de l'avenir? Hélas, sa jeunesse avait été flétrie, sa beauté avait perdu sa fraîcheur, et quant à sa fortune, ne l'avait-elle pas dérobée? La pensée de son larcin ne pesait-elle pas sur son esprit au point qu'elle aurait cru faire une bonne action en renonçant à tout son avoir? Cette idée d'abandonner ses revenus et sa maison et de reprendre son nom de Julie Brabazon lui paraissait pleine d'un charme tout romanesque, et pendant une demi-heure occupa agréablement sa pensée. Mais elle ne pouvait songer sérieusement à l'exécuter. Le monde où elle avait vécu lui avait appris à se moquer de tout ce qui est romanesque, même en l'admirant. Il sentait fort bien qu'une pareille démarche de sa part la rendrait la risée de tous ceux qui la connaissaient. Que dirait Sir Hughes et sa sœur? Qu'en penseraient le comte Pateroff et sa fidèle Sophie? Que dirait enfin toute la famille des Ongar qui recueillerait le fruit de sa folle abnégation? Ces derniers lui offriraient peut-être une place gratuite dans un hospice d'aliéné, et tout le monde serait d'accord que c'était là la place qui lui convenait. Elle consentirait sans peine à passer dans la rue pauvre et dénuée de tout, mais elle ne pourrait souffrir qu'on la tournât en dérision. Dans la position où elle se trouvait, il ne lui restait d'autre ressource que le mariage. C'était sa solitude qui l'attristait jusqu'à la rendre folle, sa solitude et l'obligation de ne voir que les gens qui lui étaient odieux. Elle ne pouvait dire en effet s'il ne valait pas mieux pour elle rester seule et se repaître de ses douleurs, que d'entendre les flagorneries et de recevoir les protestations menteuses de Sophie Gourdeloup. Elle s'en voulait presque de consentir à subir les visites et la société de cette femme. Pourquoi ne pas donner à Harry Clavering tout ce qu'elle possédait elle-même, sa fortune, ses terres, ses chevaux, ses troupeaux de bétail? Peut-être alors trouverait-elle encore quelque charme dans ce monde où elle vivait triste et désolée. Elle avait appris à faire fi de tout ce qui est romanesque, mais elle croyait encore à l'amour. Pendant qu'elle négociait toutes les clauses de son contrat de mariage, elle avait mis de côté le roman et la poésie et s'était dit que dans ce monde, la richesse était tout. Sir Hughes lui avait prêté son concours dans cette occasion, car il avait l'intelligence de ses affaires et savait s'en occuper avec zèle. Lord Ongar avait hésité d'abord à consentir à des clauses précises pour le cas où sa future épouse lui survivrait. « Cela ne saurait nous convenir », avait dit vivement Sir Hughes. « Nous espérons tous que Lord Ongar va se rétablir et atteindre sa 90e année. Mais dans un cas pareil, il faut faire à la veuve des conditions favorables. » Et les conditions avaient été belles, en effet, et l'on avait fait comprendre à Julie tous les solides avantages de son contrat. Néanmoins, elle avait cru à l'amour le jour où elle avait pris congé de Harry dans le jardin. Elle s'était dit alors qu'elle aurait mieux aimé épouser cet homme qu'il aimait, si seulement la chose eût été possible. Harry n'avait pas su qu'en la quittant, elle était allée dans sa chambre, et que là, elle avait pris son portrait, le même qu'elle avait encore chez elle à 7 heures. Elle l'avait couvert de baisers, en lui disant adieu avec un accent chaleureux et passionné qu'elle n'avait pu prendre devant lui. Puis elle s'était rappelée maintes fois cet argent qu'il lui avait offert. Oui, se disait-elle alors, celui-ci m'aimait. Il m'aurait donné tout ce qu'il possédait pour me tirer d'embarras de tout. Quand même, il n'aurait pu rien en espérer en retour. Au moins, elle avait été aimée une fois dans sa vie. Elle se prenait presque à souhaiter qu'elle eût accepté cet argent que Harry lui avait offert. Au moins, elle aurait pris une occasion de le lui rendre. Enfin, elle était redevenue libre et son ancien amant était venu de nouveau s'asseoir à ses côtés. Ce fatal incident qui avait marqué sa vie, devait-il la couvrir d'opprobre et la rendre indigne de lui? Non, il n'y avait plus rien qui pût les séparer. Rien, à moins que ce ne fût son premier mariage. Mais Harry l'aimait-il? Son air et son accent paraissaient être ceux d'un amant. Il lui avait serré la main avec tendresse. y avait déposé un baiser et il l'avait appelée Julie. Pourquoi donc ne l'aimerait-il pas? S'il se fût agi d'un autre, l'amour aurait peut-être été changé en haine et en aversion. Mais ce n'était point le cas pour lui. Il l'avait appelée son ami. Pouvait-il être ami sans que leur amitié devînt de l'amour? Puis elle se prit à penser combien de choses elle pouvait faire pour lui avec sa grande fortune. Harry, se disait-elle, avec son éducation et son talent, n'était pas destiné à se faire une position dans le monde à force de travail. Grâce aux revenus dont elle disposait, il pourrait prendre rang parmi les grands personnages de son pays. Il entrerait au Parlement et s'y ferait remarquer de tous. Il deviendrait le maître de toute sa fortune. Elle la lui céderait sans réserve. Jamais elle avait été mercenaire, mais elle expirait maintenant cette faute par une générosité sans limite. Seule dans sa résidence d'Ongar Park, elle s'était mise à haïr sa maison et les champs qui l'entouraient. Elle s'était promenée solitaire et méprisée. Mais elle serait fière désormais de voir Harry parcourir son domaine, suivi de Giles, l'intendant, et lui donnant ses ordres. Lui au moins ne subirait pas d'observation. Il ferait pour Enorgaby tout ce qui lui plairait. Ensuite, la femme du ministre n'hésiterait pas à lui rendre visite, et tous les visages seraient souriants pour elle dans sa maison. Peut-être, enfin, Dieu lui accorderait-il les mêmes faveurs qu'à d'autres mères, et alors, elle reprendrait goût à la vie. Elle y retrouverait quelque douceur. Il nous faut revenir un instant sur cette entrevue que Florence avait eue avec une autre personne qui n'était autre que M. Saul. Florence était devenue intime avec le vicaire autant qu'avec Fanny. Elle s'était occupée des écoles, et avec tant de zèle que M. Saul avait cru un jour lui adresser une forte semonce à ce sujet. « C'est signe, lui dit Fanny, qu'il a bonne opinion de vous. C'est ainsi qu'il me traitait avant sa déclaration mélancolique. » Dans l'après-midi du même jour, le dernier qu'elle devait passer avec Laverine, Florence était allée avec Fanny à Camberley Green pour dire adieu aux enfants, et elle revint toute seule parce que Fanny n'avait pas encore fini sa tâche. À environ un demi-mille du presbytère, elle rencontra M. Saul, qui se dirigeait vers le hameau. « Je m'attendais à vous rencontrer ici, lui dit-il, et je suis venu exprès pour vous dire adieu. C'est bien à propos, M. Saul, car je m'en vais demain. » « Je serais heureux de vous voir rester, et je voudrais que vous fussiez fixé au milieu de nous. Nous sommes charmés de vous voir et vous faites ici plus de bien peut-être que vous n'en ferez ailleurs. Je ne le pense pas. Du reste, vous oubliez que j'ai un père et une mère. C'est vrai. Et vous allez bientôt avoir un mari. Non, pas de si tôt. Peut-être un jour, si tout marche bien. Mais avant mon mariage, je me propose de venir souvent ici. J'ai l'intention de venir en octobre faire une toute petite visite, si ma mère me le permet. » « Miss Burton, lui dit-il en prenant tout d'un coup un air fort sérieux, son ton étant toujours sérieux, mais en ce moment il était presque solennel. « J'ai besoin de vous consulter sur une certaine affaire, si vous pouvez m'accorder 5 minutes. « Me consulter, moi, Monsieur Saul. « Oui, Miss Burton. « Je suis dans une grande angoisse en ce moment-ci, et je ne sais personne à qui je puisse adresser une certaine question si je ne l'adresse pas à vous. J'espère que vous me répondrez avec franchise, si toutefois vous me répondez. Je ne vous crois pas capable de me flatter ou de me dire ce que vous ne penseriez pas. Vous flatter, mais comment pourrais-je vous flatter? En me disant, mais il faut que je vous fasse d'abord ma question. Vous et Fanny Clavrine, vous êtes maintenant de grandes amies. Vous vous confiez tous vos secrets. Je n'en sais rien, répondit Florence, se demandant ce qu'elle avait de mieux à répondre et pressentant déjà ce qui allait venir. « Elle vous aura dit sans doute que je l'ai demandé en mariage. Vous en a-t-elle jamais parlé ?» Florence le regarda en face pendant quelques instants sans lui répondre, ne sachant trop quelle réponse lui faire. « Je sais qu'elle vous en a parlé, reprit-il. Je vois bien qu'il en est ainsi. Vous avez raison, dit Florence. Et pourquoi ne vous l'aura-t-elle pas dit? Comment aurait-elle pu rester avec vous des heures entières sans vous parler d'une chose dont le souvenir a dû rester présent dans son esprit? Si je m'en étais allé d'ici, si je n'étais pas tous les jours devant ses yeux, il pourrait en être autrement. Mais me voyant tous les jours, elle a dû parler de moi, à son ami. C'est vrai, Monsieur Saul, elle m'a parlé de vous. Eh bien, maintenant, pouvez-vous me dire si je dois espérer? Monsieur Saul, je ne vous demande pas de trahir aucun secret. Je ne vous demande que votre avis. Puis-je espérer que jamais mon affection pour elle sera payée de retour? Comment puis-je vous répondre? Répondez-moi, en toute sincérité, ne me dites que la vérité. Je suis tenté de croire qu'elle suppose que vous avez oublié tout cela. Que je l'ai oublié? Non, Miss Burton, elle ne peut pas avoir cette pensée. Croyez-vous qu'un homme ou une femme oublie des choses comme celle-ci? Pourriez-vous oublier son frère? Pensez-vous qu'on n'oublie jamais ceux qu'on a aimés? Non, je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié la promenade que nous avons faite ensemble dans ce sentier. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Là-dessus, il s'arrêta, attendant une réponse. Florence était naturellement calme et maîtresse d'elle-même. Elle sentit sur le champ qu'il fallait user d'un peu de diplomatie avant de lui répondre. Elle s'était imaginé une fois ou deux que Fanny tenait plus à M. Saul qu'elle ne semblait le croire elle-même. Quand Fanny lui avait parlé de l'impossibilité de ce mariage, elle n'en avait donné d'autre raison que la pauvreté de M. Saul. Raison qui, aux yeux même de Florence, en dépit de sa prudence, n'était pas très valide. Fanny pouvait attendre, se disait-elle, comme elle-même se proposait de le faire. Dernièrement aussi, Fanny avait exprimé plus d'une fois à Florence l'opinion que l'amour de M. Saul avait été le résultat d'un accès passager de folie, accès qui avait disparu tout à fait, et en l'entendant parler ainsi, Florence avait cru découvrir dans ses paroles une légère expression de regret. Cela étant, quelle réponse devait-elle faire à M. Saul ? Ainsi, Miss Burton, continua-t-il, vous croyez que je n'ai aucune chance de succès. Je vous le demande parce que si j'étais certain qu'il en était ainsi, tout à fait certain, j'aurais tort de rester ici. C'est la première et la seule paroisse que j'ai desservie, et je ne pourrais pas la quitter sans un amer regret. Mais si je devais rester ici sans espoir, je deviendrais incapable de remplir ma tâche. Déjà, je m'y sens moins propre, et je ferais mieux de me retirer. Mais pourquoi me demandez-vous cela, M. Saul ? Parce que je crois que vous pouvez me répondre. Mais pourquoi ne pas le lui demander à elle ? Qui peut vous répondre franchement mieux qu'elle-même ? Vous ne me conseilleriez pas ces démarches si vous étiez sûr qu'elle repousserait ma demande. Adressez-vous à elle, voilà mon avis. Eh bien, je le suivrai, Miss Burton. Maintenant, adieu, et que Dieu vous bénisse. Vous dites que vous reviendrez ici en automne. Mais avant l'automne, j'aurai probablement quitté Clavering. Si cela est, nous nous disons adieu pour bien longtemps. Mais je me rappellerai toujours les heures agréables que nous avons passées ensemble. Puis il continua sa marche vers Cumberley Green. Florence, en entrant dans l'enclos du presbytère, se disait que jamais jeune fille n'avait été aimée par un homme à l'âme plus simple, au cœur plus pur que l'honnête M. Saul. Quand elle se retrouva seule dans sa chambre à coucher, 5 ou 6 heures après cette entrevue, elle éprouva quelques regrets de quitter Clavering sans dire un mot à Fanny sur ce sujet. M. Saul ne lui avait pas demandé le secret, mais il n'était pas homme à formuler une pareille demande. Elle se disait néanmoins que ce serait trahir sa confiance que de parler, et peut-être même cela ferait-il à M. Saul plus de mal que de bien. Toutes ses sympathies étaient sans doute acquises à M. Saul, mais elle ne pouvait pour cela dire à Fanny qu'elle devrait agréer son amour. Il valait mieux, pensa-t-elle, garder le silence et laisser M. Saul plaider lui-même sa cause. Puis sa pensée se reporta sur ses propres affaires et lui sembla que tout était pour le mieux. Combien elle avait eu de bonheur de rencontrer un amant comme Harry Clavering. Elle ne pouvait s'empêcher de faire des comparaisons entre lui et M. Saul, bien que ces comparaisons portassent sur des points qui à ses yeux étaient assez indifférents. M. Saul n'était ni beau ni élégant. Rien n'était vif en lui que sa piété. Harry ressemblait pour elle à l'étoile du matin. Son air, sa démarche et ses paroles avaient une distinction suprême qui le mettait au-dessus des autres hommes. Sa voix était une musique aux oreilles de Florence. Quelle femme aurait pu ne pas aimer Clavering ? Julie Brabazon elle-même, cette femme qui s'était vendue à Lord Ongar pour de l'argent et un titre, mais qui avait si grand air qu'elle paraissait mépriser la terre que voulaient ses pieds. Julie Brabazon avait aimé Clavering. Là-dessus, Florence se prit à penser à ce que Julie aurait pu posséder et à ce qu'elle avait perdu, et elle ne pouvait comprendre l'insigne folie de cette femme. Mais était-ce à elle à blâmer la conduite de Julie Brabazon ? Ne devait-elle pas à sa faute ce qui faisait le bonheur et la joie de sa vie ? En vérité, Julie avait été sa meilleure amie. Comment se faisait-il que cet amant parfait l'avait choisie, elle si chétive, pour la combler de son amour ? Que pourrait-elle bien faire pour reconnaître cette tendresse dont elle se croyait indigne ? Elle prit alors sa dernière lettre, celle qui lui avait fait tant de plaisir. Elle se mit à la lire et à la relire. La sincérité du cœur de Harry se retrouvait dans chaque ligne, comme son honnêteté et sa franchise respiraient dans chaque trait de son visage, se trahissait dans le ton de sa voix. « Cher Harry, mon bien-aimé Harry, » répétait-elle à chaque instant. Puis elle s'assit pour lui écrire, dans cette dernière soirée qu'elle devait passer chez le père de son fiancé. Elle lui ouvrait son cœur, et avec une simplicité adorable et naïve, le remerciait de son amour. La réserve avec lui avait cessé d'être nécessaire puisqu'elle lui appartenait désormais. « Cher Harry, » disait-elle en terminant, « quand je pense à la faveur que vous m'avez faite en me choisissant pour votre épouse, je sens que je ne pourrai jamais vous rendre tout ce que je vous dois. » Telles étaient les deux rivales qui se disputaient le cœur de Harry.